Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec une personne de l'Est. Elle s'appelle ? Angélique. Angélique. C'est Angélique qui est venue nous voir. Elle va nous parler de sa région d'origine. Ça lui fait très très plaisir. Elle est près de moi, elle est blonde, comme une fille de l'Est. Elle est charmante. Alors, elle va nous parler de sa région d'origine. Vous êtes d'où ? En fait, je suis des Vosges. Je suis du chef-lieu des Vosges, d'Épinal. Et donc, je vais vous parler un petit peu des Vosges aujourd'hui et aussi de ma ville, d'Épinal. Parfait. Alors donc, les Vosges, c'est un département, ça appartient à la Lorraine ou à l'Alsace, les Vosges ? Les Vosges, ça appartient à la Lorraine. Enfin, les Vosges, c'est pas seulement un département, c'est aussi une montagne. Et cette montagne, en fait, commence dans les Vosges, elle passe par l'Alsace et ensuite elle termine en Allemagne. En fait, dans les Vosges, c'est là où commence la forêt noire. Donc, c'est pour ça qu'on connaît très bien ce département des Vosges, puisque les Vosges donnent le nom à la montagne et aussi à la forêt. Très bien. Entonces, nuestros oyentes han entendido. Los Vosgos es como una montaña, como una masa montañosa partida por la mitad para los franceses, la otra mitad por los alemanes, bajo el nombre de Selva Negra. C'est ça, la forêt noire. Oui, très bien. C'est une zone de bois. C'est une zone. Oui, il y a énormément de bois. À peu près, enfin, il y a à la fois des feuillus, des résineux, et c'est considéré comme la deuxième forêt plus importante de France. La première forêt étant les Landes, une forêt de résineux, et ensuite la forêt vosgienne. Très bien. Alors, moi qui connais bien les Landes, et vous connaissez bien votre forêt, vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez comme résineux dans les Vosges ? Il y a beaucoup de pins, beaucoup de... moi, la zone où je suis, ce sont plutôt des feuillus. Donc, je connais plutôt les feuillus. Ensuite, tout ce qui est les résineux, c'est plutôt dans les hauteurs. Dans la partie qui s'appelle le ballon des Vosges. Enfin, donc, cette partie... comme on est plus en altitude, le climat est beaucoup plus propice aux résineux. Alors que la partie d'Épinal, c'est beaucoup plus de feuillus. De feuillus. Et très bien. Et alors, je vais vous poser une question, puisque nosotros en las Landas tuvimos tantos estragos con el huracán de enero del año pasado. Vous avez eu des dégâts dans les bois, dans les Vosges ? L'année dernière, non. L'année dernière, en fait, la tempête n'est pas passée par les Vosges. Par contre, on a vécu une tempête vraiment terrible en 1999, le 26 décembre, donc le lendemain de Noël. Nous aussi. Et vraiment, ça a laissé énormément de marques dans notre paysage. On voit beaucoup de zones où il n'y a plus un seul arbre. Donc, oui. Aquello fue terrible. Hasta en París, en los bosques de París, aquello fue una hecatombe de árboles. Si. Bon, alors nous sommes donc unis par la forêt, vous et moi. Très bien. Alors dans les Vosges, en los Vosgos, ¿qué ciudades hay? Bon, le chef-lieu, la ville la plus importante, c'est Épinal. Ensuite, la deuxième ville la plus importante, c'est Saint-Dié. En fait, c'est un peu curieux parce que à Saint-Dié, c'est là où se trouve la cathédrale des Vosges. La cathédrale ne se trouve pas à Épinal. À Épinal, nous avons la basilique Saint-Maurice. Et ensuite, à Saint-Dié, nous avons la cathédrale. Saint-Dié, c'est une ville aussi très très connue pour son festival international de géographie. Ce festival a été créé en 1989, en fait pour faire honneur à un événement qui s'est passé 5 siècles avant, en 1507. En fait, en 1507, c'est là où, enfin, Saint-Dié est la ville où s'est décidé le nom du continent américain. Donc, on a décidé du nom Amérique. O sea, que en los Vosgos decidieron el nombre de América, por Américo Vespucci. Voilà. Qué gracia. Expliquez-nous. C'était un petit peu, on va dire, au départ, c'était pas très fondé, dans le sens où il y avait trois cartographes qui s'étaient réunis. Pour, suite à la découverte du Nouveau Monde, ils ont voulu représenter les nouvelles cartes avec le nouveau continent. Et dans leur introduction, ils ont décidé d'appeler le nouveau continent Amérique, en honneur à Amerigo Vespucci. Alors, vous nous parlez des cartes. Il y a certainement un rapport entre les cartes et le bois. Ah, énormément. En fait, Les Vosges, à part donc la montagne, il y a aussi beaucoup d'importance avec le bois d'ailleurs. Épinal est considérée comme la capitale mondiale du bois. Donc, parce qu'il y a, comme il y a énormément de forêts, on va travailler le secteur bois, on va travailler le secteur papier. Et donc, par exemple, dans la forêt, enfin, en plein cœur de la forêt vosgienne, il y a un petit village qui s'appelle Étival-Clairefontaine, et c'est là où se trouvent les usines de papier Clairefontaine. Donc, le papier Clairefontaine, je suppose que tout le monde, que ce soit ici en Espagne ou dans Bien sûr. d'autres pays, on connaît, on a eu entre nos mains ce papier Clairefontaine. Sí, claro, el papel de cuaderno Clairefontaine, muy conocido, ¿verdad? Y entonces, claro, se hacen mapas porque la imprenta, se hicieron mapas en los Vosgos porque la imprenta de donde nos venía, L'invention de l'imprimerie, bien l'imprimerie. sûr, c'est tout près. C'est en Alsace, on est à Strasbourg. L'Alsace, l'Allemagne, Voilà, donc c'est vrai que Gutenberg. Gutenberg. D'ailleurs, ces trois cartographes étaient d'origine allemande. Ils n'étaient pas Ah, d'origine l'une française, française. mais ils habitaient à Saint-Dié. À Saint-Dié, très bien. Entonces, los Vosgos, cuna de América. ¿Quién lo diría, verdad? Saint-Dié, à partir de 1911, a été considérée comme la marraine d'Amérique. C'est un accord entre la France et l'Amérique. Comme c'est à Saint-Dié qu'on a décidé le nom d'Amérique, et ben on a donné le titre de marraine de l'Amérique à Ay, Saint-Dié. Saint-Dié, eso lo digo para nuestros oyentes. Dié se escribe D-I e acento e con un acento. Saint-Dié. Saint-Dié, madrina, ciudad madrina de América. Qué bonito. Qué descubrimiento. Descubrimos América. Ay, qué bien. Pues muy bien. Entonces, los Vosgos, como recursos económicos, hemos dicho papel, madera y papel. Muy bien. ¿Otra cosita nos puede decir antes de escuchar la canción? Bon, nous avons aussi, on a parlé de Saint-Dié, après je vous parlerai un peu plus d'Épinal, mais comme autre ville importante dans les Vosges, il y a Remiremont et Gérardmer. Remiremont, parce que c'est une ville très touristique en hiver, puisque il y a un carnaval qui est comme si c'était le carnaval de Venise en plus petit. Donc ce jour-là, tous les gens de la ville de Remiremont et des petits villages aux alentours se déguisent comme s'ils étaient dans le carnaval vénitien. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme attrait touristique pour pouvoir voir ces beaux déguisements très colorés dans les rues de Muy Remiremont. bien, el carnaval de Remiremont. Muy bien. Et ensuite, Gérardmer, ça s'appelle Gérardmer, pas Gérardmer. Il y a énormément de personnes qui se Que prononcent confondent. mal, si. Voilà. Parce que, en fait, Gérardmer, ça veut dire en ancien français le mai de Gérard. Le mai, c'était le jardin. Donc, en fait, la ville a été construite sur l'ancien jardin de Gérard. Donc, c'est pour ça que cela se prononce Gérardmer. Gérardmer, el huerto de Gérardon. Ah, qué bien. Et ensuite, à Gérardmer, bon, il y a énormément de pistes de ski. Donc, les Vosgiens, en général, vont skier à Gérardmer, à la Bresse. Et ensuite, il y a un très important festival de cinéma qui s'appelle Fantasticar. C'est le festival de référence pour le cinéma fantastique. Très bien. Pues a falta de ver una película, ahora vamos a escuchar una canción. Una canción que nos trae Angélique, que se llama La fille, une fille de l'Est. Y ahora nos vemos. Hasta luego. Sont ténébreux et qu'ici on n'a pas la mer. On a mis le bleu dans nos yeux, c'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil qui nous oublie longue saison. De l'or comme à Marseille, on l'a mis dans nos cheveux blonds. Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière qui sonne guerre, qui acquis un éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes, une fille de l'air. Le froid glace le corps, mais la chaleur peut te brûler. Chez nous tout est intense et fort, on fait pas les choses à moitié. Mais toutes ces croix, ces tranchées, si l'on sait le prix du sang, l'absurdité des combats quand on est tombé des deux côtés. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire. Eh bien, nous sommes de nouveau là, toutes les deux, Angélique et moi, para hablaros de Épinal, que es la ciudad de donde viene Elia. Les images d'Épinal, en francés, los cromos o las imágenes de Épinal. A ver, ¿qué pasa con Épinal? En fait, les images d'Épinal, c'est très connu en France. Bon, c'est vrai qu'en Espagne, personne ne les connaît. C'est d'ailleurs curieux, puisque en France, quand je dis à une personne que j'habite à Épinal, la première chose, on me dit « Ah, les images, images. !» C'est ce que je vous ai dit. C'est bizarre, parce qu'ici en Espagne, les images, c'est pas connu. Alors, en France, les images d'Épinal, tout le monde les connaît parce que presque tout le monde a une image à la maison. Soit une image qu'on leur a offerte, soit une image qu'ils ont même achetée, ou même quand ils ont été à l'école, on leur a donné une image d'Épinal. Voilà. Alors, en espagnol, une image podría ser un cromo, un santo, una imagen en papel, porque todo eso es papel. Voilà. Es papel. Voilà. En fait, l'origine des images, elle est très ancienne, puisqu'elle c'est de 1796. Et on va dire que les images d'Épinal, c'était un peu comme les ancêtres des journaux. Donc, il y avait deux possibilités. L'image pieuse, en fait, les familles qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un tableau, une sculpture pour pouvoir vénérer la Vierge Marie, achetaient au colporteur une image pieuse, avec généralement une petite prière écrite en dessous. Et ensuite, la deuxième catégorie d'images, c'était pour l'information. Donc quand il y avait une bataille qui s'était passée, quand il y avait un grand événement, on achetait l'image. Une image correspondante, et on en gardait le souvenir. Exactement. C'était comme un découpage de journal, une coupure de journal, mais on la gardait. Okay. Et en général, on les encadrait, on les mettait au mur. Très important. Les images pieuses. Et alors quand on dit une image d'Épinal, en français, en fait, c'est péjoratif ou c'est... C'est pour, en fait, un petit peu donner une image naïve, traditionnelle d'une personne, voilà, d'une chose. Ouais. Alors, on va vous dire, par exemple, cette scène de famille, c'est un petit peu une image d'Épinal. Voilà. Voilà. Es decir, que solo se ven los aspectos angelicales, bonitos, sin hacer mucha, dar mucha importancia a lo que está detrás, que a lo mejor no es tanto. C'est peut-être grâce justement à cette expression qu'on a aussi gardé l'image d'Épinal. L'image d'Épinal. Muy bien. Bon. Tenemos poco tiempo para hablar de Épinal, pero yo me acuerdo que cuando era pequeña teníamos des images d'Épinal que eran pequeños cromos en los que había que descubrir a un personaje. Oui, ces images ont été très très importantes, ça s'appelle les devinettes. Les devinettes, les acertijos, pero en papel. Voilà, donc généralement c'était comme une demi-feuille où il y avait quatre images et dans chaque image, on avait un petit texte qui disait, rédigé d'une façon un petit peu comique, et qui disait qu'il fallait chercher une femme, un objet, vraiment un animal sur l'image. Ces images, en fait, l'origine des devinettes d'Épinal, c'était un peu un bon point pour les élèves. Donc en fait, si l'élève avait bien résolu un exercice, ou quand il avait été sage en classe, à la fin de la journée, on lui donnait ce bon point, cette image, comme devinette. Voilà. Alors, on avait une... Je recuerdo, y vamos a terminar con esto, yo recuerdo cromos que representaban, por ejemplo, la batalla de Waterloo, y nos decía, ¿y dónde está Napoleón? Y entonces había que darle vueltas al cromo hasta encontrar la cabeza de Napoleón en un árbol, el pobre. ¡Qué risa! Les images d'Épinal. Eh bien, chers amis, nous nous quittons là-dessus, et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Au revoir, bonne semaine. Au revoir.